chez moi, foncé de la veille. Bientôt je béton, c'est lundi que la veille. Pure flash de queue, déjà suivi d'un royal. Je veux chanter sa papaye en chemise hawaïenne. Voyou, voyelle, que des vrais dans le voilier. Rien à fêter, on va quand même s'envoyer. Une taille chez le rebeu, on équipe sur le parking. Sale gosse, on n'est pas prêt de partir. On tient la cité à bout de bras. Au comico, on avoue pas. Je clip dans la tête, ou je clip à Dubaï. Je reste le même de la frappe, pas de la caille. Elle a kiffé le charme de la tête, alors je suis naturel. Le produit parle et il fait la diff. Le tarot s'étend comme un élastique. Je me fais péter mais bon je ressors libre. Va et viens en taule tranquille c'est la street. Sale gosse, hey.